Le Centre de musique baroque de Versailles présente l'ex-podcast « Musique et musiciens à la Chapelle Royale ». Découvrez toute l'histoire de la Chapelle Royale de Versailles et de ses musiciens comme vous ne l'avez jamais entendu. Lalande le Grand Maître, le concours de 1683, une expérience sonore et visuelle racontée en 6 épisodes par Suzanne Gervais, à retrouver sur expodcast.cmbv.fr, en partenariat avec le Château de Versailles. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Cette émission ne serait pas la même sans les livres. Mais pour savoir ce qu'est un livre, le mieux est de regarder dans un livre essentiel, dans notre bibliothèque, un dictionnaire. Tenez, le trésor de la langue française. Bon, celui-là, nous pouvons l'avoir informatisé. Il est possible de le lire sur tablette tactile. Alors, que dit-il? Le livre est un ouvrage écrit le plus souvent d'un seul côté, oui, sur un support varié et se présentant sous la forme d'un rouleau. Ah, ça c'est un usage ancien. Non, autre définition, ensemble de feuilles, de parchemin ou de papier écrit des deux côtés et rassemblé en cahier. Ah, on s'y rapproche. Le livre est-il né à Byblos, dans le Liban actuel? Quels furent les premiers supports? Tablettes d'argile, parchemin, papyrus? Et puis, quelle forme? Rouleau, codex? Allez, remontons la généalogie du livre, car il y a des milliers d'années, tout comme aujourd'hui, il est possible de lire des livres sur tablette. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire du livre. Oui, nous allons visiter les très riches heures de l'enluminure, puis faire un petit détour sur le marché du livre avec l'invention de la librairie. Et puis nous allons fouiller au fond de notre poche, car il y a un livre. Et oui, c'est le livre de poche, des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, le livre avant le livre. Oui, une généalogie du livre avec vous, Françoise Briquel-Châtonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Orient et Méditerranée. Vous êtes spécialiste des mondes phéniciens syriaques. Vous êtes notamment l'autrice de Le Monde syriaque, c'est publié aux belles lettres. Et également Le Temps de la Bible avec Pierre Bordereuil. Il faut le rappeler, dans votre ouvrage, Le Temps de la Bible, dans ce mot Bible, nous avons cette évocation de la ville qui aujourd'hui se trouve au Liban, Byblos. Bible, en grec, vient de Byblos, qui signifie livre. Oui, alors effectivement, il y a un rapport entre le mot qui veut dire le livre et la ville de Byblos, mais ça c'est une vue des Grecs, donc c'est une vue un petit peu a posteriori de ceux qui ont hérité qui disaient avoir hérité l'écrit des Phéniciens, dont la ville emblématique était Byblos. Mais en fait, l'écrit est bien plus ancien et est né bien en dehors de Byblos, l'écriture en elle-même. Françoise Briquel-Châtonnet, c'est de ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette généalogie du livre. Et vous nous le dites bien, les Grecs ont regardé vers le Liban actuel, Byblos, y ont trouvé leur livre, vers les Phéniciens. Mais il y a le regard de l'historienne qui remonte aux sources en fait de l'écriture. Il est obligatoire de relier la mise à l'écrit à la naissance du livre ou de ce qui devient le livre. Ça va de pair. Je crois que ce qu'il faut bien distinguer, c'est l'alphabet, l'écriture alphabétique, que donc les Grecs disaient avoir reçu des Phéniciens, et sur laquelle nous pourrons revenir, de l'invention de l'écriture elle-même, qui remonte pratiquement à 2500 ans bien avant. Enfin, c'est une invention bien plus ancienne. Donc, l'écrit lui-même, c'est-à-dire l'idée de transmettre un message oral par une série de signes qui peuvent être transportés et dans le temps et dans l'espace, donc limiter cette limite de temps et de l'espace pour la transmission d'un message, remonte donc à une époque plus ancienne. La fin du quatrième millénaire. Alors, avec deux endroits, l'Égypte d'un côté et la basse Mésopotamie, le pays de Sumer, le sud de l'Irak, disons actuel, de l'autre. Et pour le moment, le match est indécis. On n'a pas d'antériorité absolue d'un côté ou de l'autre. Elle change un peu les découvertes plus anciennes. Et donc, on ne sait pas si ça a été inventé d'un côté et ou de l'autre. C'est-à-dire s'il y a... Il paraît peu probable qu'il y ait eu deux inventions complètement indépendantes, mais pourquoi pas? Et en attendant, on n'arrive pas à déterminer. C'est passionnant, cette idée de se dire que l'écriture a été inventée en même temps en Égypte et en Mésopotamie, donc l'Irak actuel, qui n'est pas tout à fait très proche, hein, et donc on imagine sans doute déjà des échanges. Françoise Briquel-Châtonnet, je vous propose justement d'aller en Mésopotamie, entre ces deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, juste au pied de la ziggourat de Warqa, c'est le site d'Uruk. Nous y allons à travers les archives de la radiodiffusion française. C'était en 1964 avec un grand spécialiste de la région, Jean Bottero, le grand assyriologue. C'est au pied de la ziggourat de Warqa qu'on a retrouvé ces tablettes d'argile marquées de signes étranges. Elles forment un inestimable trésor archéologique. Grâce à elles, la préhistoire finit et l'histoire commence. L'écriture vient d'être inventée. C'était à quelle époque ? C'était vers 2800 avant Jésus-Christ, entre 3000. Nous ne sommes pas exactement fixés pour ces dates très hautes, n'est-ce pas ? Mais nous pouvons considérer qu'autour de 2800 avant Jésus-Christ, cette écriture, dans son premier stade, est née ici. Son premier stade parce qu'elle s'est développée après, n'est-ce pas ? Elle s'est développée de plusieurs façons. Premièrement, il y a eu un développement formel de l'écriture, qui a consisté en une modification du tracé des signes à cause de la qualité du support des signes qui est l'argile. Ici, dans ce pays, tout est en argile. Vous l'avez vu en voyant ce pays, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de métal, il y a surtout de l'argile et du roseau, n'est-ce pas? Avec l'argile et le roseau, les scribes avaient ce qu'il fallait pour écrire. L'argile comme support et le roseau comme calame. Alors, ils ont modifié peu à peu le dessin primitif, encore assez ressemblant, comme vous le voyez, à certains de ces signes ici, l'arbre, la gazelle, par exemple, n'est-ce pas? Ils l'ont modifié en le simplifiant et ils ont abouti à cette écriture qu'on appelle cunéiforme à cause de ces éléments en forme de clous. Voilà, nous étions avec Jean Bottero au pied de la ziggourat de Warqa, donc le site de Uruk en Irak actuel, la Mésopotamie. Et Jean Bottero nous dit que c'est vers 3000 avant Jésus-Christ que l'écriture est mise en place. Françoise Briquel-Châtonnet, Jean Bottero évoque deux éléments essentiels. L'argile, pour faire ces tablettes d'argile qu'on façonne dans la paume de la main, et le roseau pour faire le calame, c'est-à-dire le petit stylo pour écrire ces signes cunéiformes. Les premières traces que nous avons de la mise à l'écrit sur un support d'argile ne sont pas directement liés à des récits, à des grandes épopées romanesques. Il y a une nécessité comptable, administrative à l'origine de l'écrit. Les plus anciennes tablettes que l'on a sont effectivement des tablettes d'enregistrement comptable avec des chiffres et des éléments qui entrent sans doute dans des réserves de palais ou de temples. Voilà. Donc c'est plutôt de la comptabilité, effectivement. Et nous avons, vous l'avez évoqué, une autre source de l'écrit en Égypte. Évidemment, l'Égypte nous fait penser au papyrus. Peut-on dire qu'il y a, pour le support de l'écrit, ces deux cheminements, l'un lié au végétal, le papyrus en Égypte, et puis en Mésopotamie, lié au minéral avec l'argile ? Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'Égypte produit le papyrus qui fait un support souple et facile pour écrire à l'encre. Donc, c'est effectivement extrêmement pratique et une écriture d'une certaine manière avec un système qui ressemble plus au nôtre. Ceci dit, le papyrus n'est produit qu'en Égypte, donc hors d'Égypte, il doit être importé. Ce qui est cher, et même en Égypte, c'est un support qui avait un certain coût. Donc il ne faut pas imaginer qu'à travers toute l'histoire de l'Égypte, on a écrit toute l'écriture de la vie courante jetable sur papyrus. On utilisait aussi, mais avec un système analogue à l'encre, aussi des fragments de poterie cassée, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ostracas. Des ostracas, oui, voilà. Donc, on avait fait un peu feu de tout bois, j'allais dire. Mais effectivement, l'Égypte est le pays où on a développé, alors effectivement, les hiéroglyphes, mais même dans l'écriture courante, une écriture souple qui s'écrit de façon cursive, à l'encre, sur un support, alors que la Mésopotamie a développé, au départ, c'était aussi des signes qui étaient visuels, qui représentaient, mais qui ont évolué vers une simplification différente en forme de petits de petits coins, enfin, on posait le calame, ça faisait un petit triangle, quelquefois un peu allongé, c'est ce qu'on appelle des coins ou des clous, et donc l'écriture cunéiforme. Et le support a effectivement joué, dans un cas comme dans l'autre, un rôle dans l'évolution de l'écriture. Alors c'est passionnant ce que vous nous dites là, Françoise Briquel-Chatonnet, ce qui veut vraiment dire que dans ces voies que prend l'écriture, le livre ou l'ancêtre du livre n'a de valeur que s'il porte un message écrit. Cette écriture varie selon le support. Donc vous diriez que la nécessité de mettre par écrit donc est lié à des nécessités comptables, administratives, et que dès lors, quand est mis en place des formes de narration, des mots, le support va faire varier le mode d'écriture entre le cunéiforme et le hiéroglyphique. Les voies sont-elles parallèles? C'est-à-dire qu'on a la même volonté de développer un écrit facile à reproduire? C'est-à-dire qu'il y a à la fois un aspect visuel qui est beau, et les Égyptiens l'ont cultivé jusqu'à la fin de leur histoire, effectivement, les hiéroglyphes. Mais il y a d'un côté comme de l'autre une nécessité d'écrire vite aussi, qui amène à des simplifications et donc à une évolution de l'écriture courante. C'est ce qu'on a, les phénomènes d'écriture cursive, si vous voulez, entre que l'on voit encore entre l'écriture, disons imprimée ou l'écriture monumentale, et puis l'écriture quand on prend son stylo et qu'on fait sa liste de courses. L'écriture peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simplifiée. En tant donc, que dans les deux cas, on a ce phénomène. Oui. En tant que spécialiste du monde syriaque, de ce monde, vous allez publier bientôt, Françoise Briquel-Chatonnet, un ouvrage sur l'Arabie chrétienne, sur ces temps de la Bible. Vos sources se reposent donc sur des supports complètement différents. Il y a des tablettes, il y a des papyrus. Vous avez parlé des ostracas, donc un bout de poterie cassée sur lequel l'on a écrit quelque chose. Tout est support d'écriture. Oui, et puis alors finalement, dans les mondes ouest sémitiques, c'est-à-dire le monde du Levant que moi j'étudie plus, on écrivait sans doute beaucoup sur les écritures courantes, quelquefois sur des supports, par exemple importés de l'Égypte comme du papyrus, mais qui, contrairement à l'Égypte, ne s'est pas conservé. Le monde de la côte orientale de la Méditerranée est une région où il pleut, une région humide, et donc où le papyrus ne se conserve pas. Donc ce qu'on a conservé, c'est surtout les inscriptions sur pierre, monumentales. Donc des inscriptions qui sont un genre particulier, ceux qu'on gravait dans la pierre. Vous imaginez si nous avions essentiellement les frontons des mairies et les pierres qu'on met à l'entrée des plaques commémoratives qu'on peut mettre sur certains bâtiments. Ça donne une vision un petit peu particulière. L'écriture courante a en grande partie disparu. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que les régions qui ont utilisé l'écriture sur tablette font qu'on est beaucoup mieux renseigné sur la vie quotidienne et sur beaucoup de choses courantes parce que les tablettes se sont conservées. Le livre comme objet, comme support, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, sa généalogie. Et bien justement, pour souligner l'importance du support et de sa conservation, je vous propose d'aller écouter une archive de la grande émission Heure de Culture Française. C'était en décembre 1949, quand l'égyptologue Georges Posner expliquait l'importance de cette écriture sur papyrus, hélas, qui a du mal à se conserver. Toute personne curieuse des choses de l'ancienne Égypte a vu des textes gravés en hiéroglyphes. Ces signes, même schématisés, sont longs à dessiner et on ne conçoit pas un secrétaire prenant une dictée ou un poète composant des vers en hiéroglyphes. Pour écrire vite, il existait une écriture plus simple qui est l'hiératique. C'est cette écriture cursive qu'emploient les administrations et la justice. Elle sert aussi pour la correspondance et la littérature. On l'utilise dans les temples et dans les écoles. En fait, l'usage des hiéroglyphes est limité. C'est avant tout une écriture monumentale et décorative. Si les soldes de l'Égypte a livré plus d'inscriptions en hiéroglyphes que de manuscrits hiératiques, cela tient à la raison bien simple que les premières sont d'habitude gravées sur pierre et que la pierre se conserve mieux que les matières utilisées pour les écrits cursifs. Dans la réalité, le rapport était inverse et l'hiératique d'un usage plus répandu que les hiéroglyphes. Voilà, Georges Posner, égyptologue, dans l'émission Hors de Culture française en 1949, nous rappelle que ce qui était le plus répandu a été le moins conservé. Dites-nous, Françoise Briquel-Châtonnet, vous nous avez bien dit que le support de l'écrit a une nécessité pour être conservé et véhiculé, alors dans le temps, pour que cela reste. Alors ça, c'est vraiment le cas de l'écriture monumentale sur les temples égyptiens et ailleurs d'ailleurs, mais également pour être diffusé dans l'espace. Alors là, ce n'est plus du tout la réflexion que nous avons sur les temples, parce qu'eux ne sont pas censés bouger. Il y a malgré tout aujourd'hui, grâce aux fouilles archéologiques, énormément de papyrus qui nous sont parvenus. Comment étaient construits ces proto-livres, ces premiers livres? Il y a l'idée donc du rouleau. Pour nous, un livre, ce sont des feuilles accumulées, reliées. Comment étaient ces premiers livres? Oui, les papyrus étaient les feuilles de papyrus étaient produites pour former un grand rouleau sur lequel on écrivait en colonnes. Et donc, on déroulait le papyrus était roulé, et quand on voulait le lire, on le déroulait d'un côté et on l'enroulait au fur et à mesure de l'autre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, on utilise souvent un mot latin, volumen, le volume. C'est de là que vient donc le mot qu'on emploie encore, mais pour d'autres formes de volume. Et donc, on écrivait. Alors, si c'était juste une lettre, bien entendu, ça pouvait être assez court et être juste une seule colonne, et puis un certain nombre d'archives. Mais ensuite, ils étaient roulés et rangés, en plus ou moins superposés, en rouleaux. Quand il s'agissait de documents que l'on envoyait, c'est-à-dire de la correspondance en général, puisqu'il s'agissait donc de franchir l'espace, ces documents étaient souvent scellés pour authentifier celui qui l'envoyait, puisque celui qui transmettait le message ne pouvait pas être là lui-même à la remise, il fallait qu'il y ait une sorte de garantie de qui l'avait envoyé. Et donc, on mettait, c'est comme les documents que l'on voit dans les archives royales, par exemple, avec un sceau de cire. À l'époque, c'était des sceaux justement en terre, enfin un petit peu d'argile, sur une petite bulle, sur laquelle, qui fermait le papyrus, sur laquelle on imprimait un sceau. Alors, les sceaux qu'on utilisait, les papyrus, étaient des sceaux avec une face plate, et puis l'autre bombé, souvent en forme de scarabée, on les appelle scarabéoïdes. Et sur la face plate, il y avait donc à la fois des images et quelquefois des noms écrits qui permettaient de reconnaître qui avait envoyé et qui... donc voilà, c'était un sceau d'identification. C'est essentiel ce que... Voilà, c'est essentiel parce que quand le papyrus lui-même a disparu, parce que le temps est passé par là, l'humidité a fait disparaître cette matière végétale, il reste la trace de ce qu'a été ce rouleau de papyrus grâce à ce sceau qui, lui, a traversé les siècles. Oui, alors on en retrouve pour le coup au Proche-Orient des bulles, donc, qui sont des empreintes de sceaux. Alors le sceau est écrit à l'envers, en miroir, pour que imprimé, il se lise à l'endroit. Et on en retrouve un petit peu, on fouille de façon dispersée, mais aussi quelquefois des vrais trésors de bulles. Il y a eu plusieurs exemples, un à Carthage et un à Jérusalem, de centaines, si ce n'est milliers de bulles qui ont été retrouvées au même endroit et qui signifiaient qu'il y avait à cet endroit-là une archive qui devait être conservée. Alors les bulles, la partie qui était collée sur le papyrus porte en empreinte des fibres, donc on voit qu'elle avait été collée sur un papyrus, mais le papyrus n'est pas conservé. C'est aussi extrêmement frustrant de se dire qu'on trouve plusieurs centaines de bulles et qu'il y a eu plusieurs centaines de papyrus qui n'ont pas été conservés. Alors ces papyrus qui n'ont pas été conservés... Oui, Françoise Briquel-Châtonnet, allez-y. Je veux dire que cette question d'authentification se pose d'ailleurs sur tous les écrits. Et pour l'écrit sur tablette, on mettait aussi des sceaux qui étaient aussi, bon, enfin pas pour toutes les tablettes, mais pour les tablettes qui étaient envoyées en lettres et qui devaient être authentifiées. Et donc, mais les sceaux avaient une forme différente. C'était des sceaux en forme de cylindre qu'on déroulait sur la tablette. Alors là aussi, et puis alors, si la tablette était un peu large, il pouvait être déroulé plusieurs fois finalement. Donc la scène revenait deux ou trois fois selon que la tablette était assez large. Et qui pouvait avoir donc des scènes représentant des animaux, souvent des scènes religieuses. Et puis au milieu, un écrit, c'est-à-dire le nom éventuellement du propriétaire ou de celui qui avait qui authentifiait l'acte. Ça pouvait être déroulé donc sur des lettres qui étaient envoyées, mais aussi sur des fermetures de jarres qu'on scellait et l'officier qui garantissait qu'elle était bien pleine déroulait son sceau. C'était voilà une garantie d'authentification. Et alors ça correspond vraiment à deux systèmes différents, ce qui fait que pour le monde du Levant, selon qu'il est plus sous l'influence de l'Égypte, comme le monde hébreu ou le monde phénicien, c'est plus sur papyrus qu'on écrivait, donc on avait des sceaux cachets, donc scarabéoïdes. Et puis le monde araméen, il y en a aussi, mais il y a aussi une influence plus grande de la Mésopotamie, on y a aussi écrit sur tablette. Donc on a des sceaux en araméen qui sont des sceaux cylindres, donc correspondant à un déroulement sur une tablette. C'est passionnant, Françoise Briquel-Chatonnet, de saisir dès lors toute l'économie autour de l'écrit. Il faut produire des papyrus, il y a des tablettes d'argile, il y a du transport, donc il y a du commerce. Tout cela nous fait réfléchir aujourd'hui à la généalogie du livre. À l'origine, y avait-il le papyrus ? Chers amis, aujourd'hui, nous allons nous garantir une situation pour la vie de l'au-delà en nous fabriquant un papyrus magique sur lequel nous pourrons écrire des inscriptions pour Amon-Ra et Osiris. France Culture. On a deux papyrus. Il y a le papyrus alternifolius, celui-là avec ses grosses têtes, et le papyrus du Nil. Alors pour les reproduire, on retourne la tête, on le met dans l'eau et ça va se raciner tout seul. Mais c'est pas très rapide. Le cours de l'histoire. Le papyrus, ce sont de fines bandelettes de roseaux qui sont disposées les unes à côté des autres dans le sens de la hauteur puis dans le sens de la largeur. On presse, ça colle et ça donne une feuille. Mais attention, ce n'est pas du papier. Xavier Mauduit. Attention, ce n'est pas du papier, c'est pas sorcier, oui. Voilà, le papyrus. Et puisque nous parlons du papyrus dans le cours de l'histoire, si nous regardons au loin, nous voyons les pyramides avec Radio Elvis. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin, les pyramides, le cours de mes tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de mes tranquilles. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Nous n'avions plus qu'à retrouver dans les cendres la somme de nos reliques, un sens aux hiéroglyphes. Mais toujours, toujours, toujours. Au loin, les pyramides, le cours de mes tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de mes tranquilles. Radio Elvis, au loin les pyramides dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, le cours de l'histoire qui s'intéresse aux ancêtres des livres, le livre avant le livre. Et avec vous, Françoise Briquel-Chatonnet, nous avons évoqué ces tablettes d'argile et ces papyrus. Tout un monde se construit ici autour de l'origine du livre. Je voudrais savoir, vous nous avez expliqué qu'il y avait des zones d'influence, une zone d'influence égyptienne qui remonte jusqu'au Levant. Donc aujourd'hui, c'est jusqu'au Liban, dirons-nous. Et puis aussi une zone d'influence mésopotamienne qui, partie d'Irak, s'étend avec ses différentes formes d'écriture. Cela comporte différentes formes de manières d'écrire. En quoi Byblos joue un rôle essentiel, cette ville du Liban, Byblos, Byblos, le livre en grec? Pourquoi les Grecs ont appelé cette ville Byblos, la ville du livre? Alors, c'est qu'entre-temps, il y a eu une autre forme d'écrit qui est apparue, et donc assez nettement après l'Égyptien et le cunéiforme mésopotamien, qui est l'écriture alphabétique, qui est encore celle que, comme système, nous utilisons aujourd'hui, qui est une écriture qui est née, on ne sait pas exactement où, ni exactement quand, parce que, comme toujours, on remonte aux plus anciens témoignages conservés et pas à l'invention. Il s'agit bien d'une invention parce que c'est un système totalement différent qui repose sur, donc qui n'est pas une invention de l'écriture, mais d'un système d'écrit reposant sur une conception intellectuelle assez différente. Même si l'allure de l'écriture égyptienne et de l'écriture mésopotamienne est très différente, comme système, c'est le même. C'est-à-dire qu'on est parti de la figuration d'objets ou de réalités qu'on pouvait représenter, quelquefois utilisées, détournées pour mettre des actions, par exemple, je ne sais pas, une main et une bouche pour signifier manger, ou un pied pour signifier marcher, par exemple. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on a complété en utilisant des signes qui représentaient des sons, mais des sons complexes. Et par exemple, en utilisant un signe qui désignait un objet, mais cet objet, en parlant, on disait un son, on l'a détourné pour le même son, représenter le son indépendamment de l'objet en question. Bon. Donc les deux combinent ces idéogrammes ou ces logogrammes, c'est-à-dire des signes qui représentent une idée ou un objet, et puis des signes phonétiques complexes. Mais on n'a jamais passé complètement en phonétique. Et puis en général, il y a aussi d'autres signes qui peuvent signifier que, par exemple, le mot suivant désigne un dieu, ou que le mot suivant désigne du bois. Donc des marqueurs qui n'ont pas, qu'on ne lit pas en soi. Et bien, donc, ce sont des systèmes qui utilisent beaucoup de signes. Oui. Commençons par la lettre A, hein, comme signe, c'est beaucoup plus simple de commencer par le début, avec Marc-Alain Wachnin, philosophe, écrivain, qui en 1998 parlait de cette lettre A dans l'émission « Maman, les petits bateaux », c'était sur France Inter. La première lettre de notre alphabet, le A, à l'origine était un taureau. Et il voulait dessiner ce qui était essentiel à la vie. Or, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la force. Si on n'a pas de force le matin, on ne peut pas se lever. La vie, c'est l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie solaire, tout va se réduire, rien ne pousse, les fleurs ne poussent plus, on n'est plus heureux. Donc ce qui est essentiel, c'est ce qu'on appelle la force ou l'énergie. Et les personnes qui vivaient il y a 5000 ans se sont dit, mais comment on va traduire cette énergie? Et ils ont pris ce qui est pour eux, était pour eux, autour d'eux, ce qui représentait la force, ce qui tirait la charrue, ce qui permettait de faire monter l'eau du puits. Et pour eux, ceux qui avaient la force autour d'eux, c'était le taureau avec ses muscles très forts, etc. Alors ils ont commencé à dessiner un taureau. Et tous nos alphabets contemporains commencent aujourd'hui par un A, qui est en fait la mémoire d'une tête de taureau, qui est elle-même la mémoire du taureau, qui est lui-même la représentation de la force. Bien effectivement, si nous prenons la lettre A en majuscule et nous la mettons à l'envers, nous trouvons une tête de taureau avec ses deux cornes. Alors, dites-nous, Françoise Briquel-Châtonnet, pour l'invention, la mise en place ou en tout cas l'utilisation documentée de l'alphabet, pour simplifier, phénicienne, c'est beaucoup plus complexe, nous sommes pas il y a 5000 ans, c'est beaucoup plus récent. C'est en gros, on peut le mettre au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, donc plutôt il y a 3500 ans. Et donc c'est une invention qui probablement s'est faite en Égypte, en tout cas sous influence égyptienne, mais tous les témoignages qu'on en a pour le moment sont en Égypte. Mais ça n'a pas été fait par des Égyptiens, parce que le système correspond vraiment aux langues sémitiques de l'Ouest, c'est-à-dire à un groupe de langues qui correspond aux Phéniciens, à l'hébreu, voilà, aux langues du Levant au deuxième millénaire. C'est-à-dire que cette invention a consisté à isoler tous les phonèmes consonantiques, toutes les consonnes dont on avait besoin pour écrire une langue, puisque c'est un alphabet qui n'écrit que les consonnes, et à proposer un signe pour chaque consonne. Et donc à réduire l'écriture à une écriture purement phonétique. Il n'y a plus de logogramme, il n'y a plus d'idéogramme, il n'y a plus de marqueur ou de classificateur. Et les sons sont réduits à leur expression la plus simple, qui est celle de la consonne isolée. Donc, ça réduit effectivement le nombre de signes. Selon les alphabets, selon la richesse des langues, ça peut aller de 22 à 30 signes, disons. Et donc, cette invention a consisté à inventer ce système d'isolement des consonnes. Alors, les consonnes qui sont utilisées sont celles, effectivement, qui sont utiles dans un alphabet sémitique, mais en plus, le système de représentation, puisque ce sont quand même au départ aussi des signes qui sont figuratifs, le système correspond au sens de ces figurations dans une langue sémitique, disons, pré-phénicienne. Et c'est pour cela, par exemple, effectivement, pour reprendre l'exemple qu'il a donné, c'est très philosophique de dire que c'est d'abord la force, mais effectivement, une des lettres qui est employée et qui note la consonne Aleph, qui est une consonne que l'on n'entend pas, mais qui porte les voyelles, mais toute syllabe en sémitique commence par une consonne. On a pris le mot bœuf, qui se dit Alp, Alpou, Aleph, et on a représenté une tête de bœuf avec deux cornes. Pour la deuxième lettre, enfin celle qui après a été classée en deuxième, ce qui est le B, le mot pour dire maison dans toutes ces langues-là est bet, bite. Donc on a représenté le plan d'une maison. Donc c'est ce système qu'on appelle acrophonique, qui consiste à faire un répertoire de 22 à 30 signes, dessins, chacun représentant quelque chose, commençant par une lettre différente, et donc facilement figurable. Pour la tête, qui se dit ras ou rèche, enfin qui en tout cas commence par un R, voilà, ça, c'est le moyen de noter la lettre R. Donc, voilà. Et donc, il s'agit d'un système totalement différent. Alors, les signes ressemblent à de l'égyptien, on a aussi des têtes, on a aussi des têtes de bœuf, on a aussi le filet d'eau, on a aussi le plan de la maison en égyptien. Donc, ça ne ressemble pas à du cunéiforme, c'est fait sous influence visuelle de l'Égypte, mais le système est entièrement cohérent dans une langue sémitique, donc inventé par des gens du Levant. Et ce système d'écriture, ce nouveau système d'écriture, a-t-il une influence sur le support dans ce grand combat, cet affrontement? C'est pas une rivalité, en fait. C'est deux grandes marches entre le papyrus égyptien et la tablette d'argile mésopotamienne. Est-ce que le nouveau système d'écriture, avec la mise en place d'un alphabet, change le support ou privilégie plutôt l'un que l'autre? C'est-à-dire que c'est plutôt ce système qui après s'est adapté à d'autres supports. Je disais qu'il était né dans une région sous influence égyptienne, donc naturellement, bien sûr, les plus anciens témoignages qu'on a sont gravés dans la pierre, ou un petit peu plus tard gravés dans des céramiques, mais on peut supposer qu'il a pu être écrit, même si on n'a pas de témoignages, sur du papyrus. Quand le système a dû être utilisé né en Égypte peut-être, probablement, on peut pas exclure qu'il soit né effectivement à Byblos, mais en tout cas dans ce monde-là. Quand des gens qui écrivaient sur tablette ont voulu adopter ce système, parce qu'il correspondait, c'est les gens du Levant, s'il a été inventé, c'est certainement pour des raisons identitaires, parce que on écrivait déjà au Levant aussi bien en égyptien que en mésopotamien. Mais on écrivait des choses internationales ou des textes venus d'ailleurs. On n'écrivait pas ce qui était local. Et quand on a voulu écrire les mythes locaux, la correspondance locale, on a inventé ce nouveau système et utilisé ce nouveau système. Quand des gens du Levant, qui étaient sous influence mésopotamienne, ont voulu écrire leur propre langue en écriture alphabétique, ils n'ont pas réinventé l'alphabet, mais ils ont inventé un répertoire de signes cunéiformes alphabétiques. C'est là, on a un témoignage très épars en différents endroits du Levant, mais surtout dans à Ougarit, le site de Ras Chamra, qui est sur la côte de la Méditerranée, mais tout au nord, en Syrie. Et là, c'était une région qui était vraiment dans l'ambiance culturelle de Babylone. Et donc, on écrivait sur tablette. Mais écrire sur tablette un dessin linéaire est très difficile. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de réinventer un répertoire de signes, un catalogue de chaque signe alphabétique, mais en cunéiforme. Donc, on a adapté l'écriture au besoin qui était du fait qu'ici, on écrivait sur tablette. On a adapté l'écriture au besoin avec toute cette économie qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, sur cette histoire du livre, l'histoire du support de l'écrit, avec l'écrit lui-même qui est une chose, le support papyrus. Il faut produire du papyrus, ce n'est pas simple. La fabrication, la transformation du papyrus pour qu'il soit adapté pour mettre du texte dessus. Et puis la tablette, et vous nous l'avez rappelé, Françoise Briquel-Châtonnet, il y a les personnes qui écrivent, les scribes. Eh bien, les scribes, je vous propose en rencontrer un, mais à travers le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, oui, ce scribe, c'est Édouard Baird. Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative. Otis, mon scribe, c'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. » Ce goût, donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. L'amour des livres et les tracas de la papyrasse administrative dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Françoise Briquel-Châtonnet, il y a ces deux éléments lorsque l'on étudie l'histoire du livre. Il y a le livre en tant que mise par écrit d'un récit. Alors le livre au sens très général, mais il y a le rouleau, il y a la tablette et puis il y a tout l'aspect administratif de la chose. Mais dans tous les cas, il y a une immense économie, une circulation très forte. Vous nous avez rappelé que le papyrus n'est produit qu'en Égypte. Or, on le retrouve dans le Levant notamment. Donc cela signifie que l'économie est très développée autour de cette chose que nous appelons aujourd'hui le livre. Oui, on sait maintenant que le commerce s'est développé très tôt, dès le néolithique, et qu'on trouve des produits venant de très loin, et donc du commerce à longue distance. Donc le papyrus, effectivement, était produit uniquement en Égypte, mais pouvait être vendu. Ceci dit, il avait un coût. Et donc, il était sans doute réservé à des archives qu'on voulait conserver, à des écrits un petit peu prestigieux. Et donc, au Levant, on écrivait plutôt aussi à l'encre, mais pour l'écriture courante, ce qu'on retrouve beaucoup, et ça, c'est quelquefois conservé, des ostracas, c'est-à-dire c'est de la céramique, des fragments de céramique. On imagine que quand pas de la vaisselle, mais plutôt des amphores, parce qu'il fallait quand même des fragments qui même cassé soit assez plat. Ensuite, on les réutilisait ainsi. Et puis, on a pu utiliser aussi d'autres choses. On voit, par exemple, avant même que soit inventée la technique du parchemin, on a certainement aussi écrit sur des peaux plus ou moins tannées, ce qui permettait aussi un support souple et ce qui permettait d'écrire à l'encre dans des endroits où on n'avait pas de papyrus. On a des figurations très intéressantes dans le monde assyrien, donc au premier millénaire avant Jésus-Christ, où il y avait déjà beaucoup d'Araméens qui écrivaient, qui avaient adopté donc de pouvoir écrire leur langue avec l'écriture alphabétique, donc cette écriture alphabétique inventée au deuxième millénaire, mais qui s'utilise surtout à partir du début du premier millénaire et qui est assez répandu chez tous les peuples et de la côte et un petit peu de l'intérieur. Et on a des représentations où on voit dans l'Empire assyrien deux scribes toujours l'un derrière l'autre, l'un écrivant avec on voit bien qu'il porte une petite tablette et qu'il a un petit stylet pour imprimer dans la tablette et que l'autre a quelque chose de souple qui se déroule et qui est sans doute plutôt une peau, peut-être de papyrus importé, mais plus probablement une peau, et avec laquelle il écrit avec un calame. Voilà, et donc nous voyons bien qu'il y a plusieurs supports de l'écrit et plusieurs contenus. Hein. Le support est adapté au contenu entre un morceau de poterie, un ostraca, et puis ce qui doit devenir l'écrit qui traverse le temps et qui traverse l'espace. Je vous propose un exemple, notamment, vous avez évoqué l'importance de l'araméen. Eh bien, voici la lecture par Daniel Königsberg d'un extrait de l'histoire et de la sagesse d'Aïkar, un texte du 5e siècle avant Jésus-Christ qui nous parle encore aujourd'hui. Mon fils, ne bavarde pas trop jusqu'à déclarer toute chose qui te viendrait à l'esprit lorsqu'en tout lieu les yeux des gens et leurs oreilles sont tournés vers ta bouche. Prends garde à toi que cela ne te porte pas préjudice. Par-dessus tout, garde ta bouche. Et, au sujet de ce que tu as entendu dire, endurcis ton cœur. Car c'est un oiseau qu'une parole. Un homme l'envoie, il ne la reprend pas. Paraît-il devant toi quelque chose de dur sur le visage d'un roi, n'insiste pas, sa colère est plus prompte que l'éclair. Prends garde à toi qu'il ne la manifeste pas au sujet de tes dires et que tu ne t'en ailles pas avant ton temps. Daniel Königsberg qui lisait un extrait d'Histoire et Sagesse d'Aïkar, donc un texte dans sa version araméenne du 5e siècle avant Jésus-Christ. Françoise Briquel-Châtonnet, dans cette notion de livre, il y a vraiment l'idée de transmission. La tablette, c'est formidable, ça traverse des siècles, mais c'est volumineux malgré tout. À quel moment se construisent les livres au sens le livre va être conservé dans une bibliothèque qui nous conduirait là encore à Byblos? Les écrits étaient conservés dans des bibliothèques dès le début. La bibliothèque d'Assurbanipal était une bibliothèque de tablettes, mais il y avait une volonté de rassembler toute la littérature. Et de même, il y avait des bibliothèques dans les temples ou qui conservaient les mythes. Alors, Aïkar est un exemple intéressant parce que c'est un papyrus retrouvé en Égypte. En araméen, mais retrouvé en Égypte, c'est pour ça qu'il a été conservé. Et effectivement, la mythologie et la littérature du Levant n'a pas été conservée parce qu'elle était sans doute écrite sur des papyrus qui n'ont pas été conservés. Et donc l'idée de bibliothèque, elle est d'une certaine manière de tout temps. Alors après, il y a eu à l'époque hellénistique certaines grandes bibliothèques à Pergame et celle d'Alexandrie que l'on connaît particulièrement, où étaient donc rangés tous ces volumes, tous ces rouleaux. Donc l'idée de faire des bibliothèques royales particulièrement immenses, mais je vous dis c'est avec des rouleaux, mais déjà Assurbanipal au 7e siècle faisait la même chose en Mésopotamie avec des tablettes. Donc l'idée de conservation est très ancienne. Et puis l'idée de livre, de codex au sens de livre relié. Alors le codex apparaît au début de notre millénaire. Donc c'est l'idée de découper le support, que ce soit le papyrus ou que ce soit le parchemin, en grand feuillet que l'on pliait en deux, que l'on superposait par un certain nombre et pliait faisant des cahiers et cahiers reliés, ce qui permettait d'écrire des deux côtés, ce qu'on ne faisait pas bien entendu pour un rouleau. Et ça apparaît au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Et là encore, nous sommes dans une révolution, mais au sens un moment de plus dans la longue continuité de la mise à l'écrit des pensées, du support de l'écriture. Vous, Françoise Briquel-Châtonnet, vous n'êtes pas sur cette notion, et c'est important de le rappeler, d'invention soudaine. C'est un très long mouvement qui est, alors là, authentiquement millénaire. Oui, c'est un mouvement authentiquement millénaire, mais il y a quand même des moments clés où se produisent des changements. C'est-à-dire que effectivement l'écriture apparaît à une époque très ancienne, mais l'alphabet correspond. Il y a eu quand même un moment où quelqu'un s'est dit c'est pas une évolution l'alphabet de l'écriture. C'est clairement une nouvelle invention qui a dû. Alors on voit bien qu'il y a eu des tâtonnements de l'idée qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau, mais à un moment il y a quelqu'un qui s'est dit je vais inventer quelque chose de nouveau, isoler les signes simples et créer un répertoire de signes. Et ça, c'est un moment où on bascule à un nouveau système. Même si les systèmes anciens étaient performants et on continuait. C'est pas l'invention de l'alphabet qui a fait disparaître l'écriture égyptienne ou l'écriture mésopotamienne. Et il y a encore des peuples où on écrit n'utilise pas l'alphabet, comme au Japon ou en Chine, où on arrive à avoir tout le monde maîtrise l'écriture quand même. Ça n'est pas un absolu, mais il y a quand même une révolution à ce moment-là. Et effectivement, le passage du rouleau au codex, c'est quand même l'invention d'un système d'organisation de l'écrit qui est tout à fait nouveau et qui très vite se répand et d'une certaine manière supplante le volume. Eh bien, merci beaucoup Françoise Briquel-Châtonnet de nous avoir conduit à travers cette longue histoire du livre et même du livre avant le livre. Je rappelle, vous êtes l'auteur du Monde Syriaque publié aux Belles Lettres et puis d'un ouvrage avec Pierre Bordreuil, Le Temps de la Bible. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure maintenant dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un remède contre la nostalgie des musées fermés encore pour quelques semaines. En mal de musée, l'impression d'avoir trop longtemps flemmardé pour y aller avant qu'il ne soit trop tard. Si la visite traditionnelle au musée n'est plus possible pour encore quelques semaines, leur histoire fait l'actualité de manière entêtante. Les demandes de restitution d'objets donnés ou pillés au cours des conquêtes et des colonisations, enfin entendues, questionnent la constitution de leurs collections et les interventions de militants partisans de l'autorestitution ne nous surprennent plus dans l'ordinaire médiatique. Comme Emery Mwazulu Diabanza, qui opte pour une méthode de restitution plus directe en prélevant lui-même des objets dans les espaces d'exposition. Des vols qui s'apparentent à un happening mémoriel, ces affaires étant largement médiatisées jusque dans leurs règlements judiciaires. Quelqu'un peut-il vraiment nous démontrer noir sur blanc que ces œuvres-là appartiennent au musée du Quai Branly, alors que les rapports reconnaissent que le président français, de par lui-même, reconnaît qu'il a volé à Ouagadougou, il a reconnu. Donc, on voit aisément dans quel camp les citoyens du monde doivent s'y trouver, parce que ce sont les valeurs de justice. Le musée est devenu une tribune dans un débat de longue haleine sur la recherche d'un consensus post-colonial. Ces contestations de l'appropriation légale ou non du patrimoine au bénéfice des musées occidentaux ne sont pas neuves et retracer la circulation de ces objets, c'est embrasser l'histoire des musées bien sûr, mais aussi et peut-être surtout l'histoire de nos sociétés contemporaines et des relations qu'elles cultivent entre elles. Bénédicte Savoie, dans une série de cours au Collège de France, propose d'étudier ces translocations, ces déplacements d'objets aujourd'hui controversés, une histoire vivante des musées désanctuarisés, où les conflits ne font pas qu'entrer, mais en constituent bien souvent la chair. Ces conservatoires de patrimoine sont, depuis leur invention au XVIIIe siècle, le lieu de polémiques, de sélection et d'identification. C'est également l'histoire du rapport des nations à leur patrimoine qui s'y joue. Le parcours du buste de Nefertiti, conservé au Neues Museum de Berlin, en est probablement un des cas exemplaires exposés dans la première série de cours de Bénédicte Savoie, intitulée « À qui appartient la beauté ?». Le buste de calcaire emblématique de l'Égypte des pharaons est immédiatement adopté par la population berlinoise et l'histoire des émotions liées à ces demandes de restitution répétées depuis 1924 inscrivent la propriété des objets culturels comme un des lieux symboliques majeurs de l'identité. Artefact de l'histoire égyptienne, Nefertiti est aussi devenu celui de l'identité allemande, une affirmation de longue durée du Troisième Reich à la République fédérale. Célébration du centenaire de la découverte du buste de Nefertiti il y a un siècle, jour pour jour, un ouvrier égyptien déterré un des chefs-d'œuvre de l'art antique. Il avertit l'archéologue allemand Ludwig Borchardt qui dirigeait les fouilles d'Armarna, l'ancienne capitale d'Akhenaton. Borchardt exfiltra le buste et aujourd'hui encore la reine Nefertiti est toujours en exil en Allemagne. Collecter, conserver, mettre en valeur, toutes ces attributions des musées sont aujourd'hui augmentées de la responsabilité de porter un regard critique sur leurs objets pour mener à bien ces restitutions. Alors en attendant de pouvoir à nouveau les sillonner, intéressons-nous à nos musées bien plus riches d'histoire que les objets qu'ils protègent et proposent au regard des visiteurs. Tous les cours de Bénédicte Savoie sont en accès libre en version sonore sur le site de France Culture et en vidéo sur le site du Collège de France. Eh bien, merci beaucoup Anaïs Quin, c'est bon à savoir. On retrouve le journal de l'histoire sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, Odile Joissel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, nous nous intéressons à l'histoire du livre. Oui, avec une immense pensée pour les libraires, les bibliothécaires, les documentalistes, les éditeurs et les lecteurs que nous sommes tous, bien sûr, parce que sans les livres, tout simplement, il n'y aurait pas d'émission. Eh bien, cette émission et toutes les précédentes sont à écouter en podcast sur notre site franceculture.fr pour la balade de diffusion et sur l'application Radio France. Demain, nous ouvrons les très beaux livres. Oui, dès demain, nous nous intéressons aux très riches heures de l'enluminure. Allez, petit tour à Chantilly au musée Condé pour ces très riches heures.